Jésus pouvait guérir le malade. Jésus pouvait marcher sur les eaux. Mais ce qui me marque le plus dans ma vie, c'est quand je vois Jésus appeler un homme qui était vraiment dans le péché. Et il le transforme, oh quel miracle! Oh quel grand miracle! Oh quel grand miracle! Oh quel grand miracle! C'est cela pour moi un plus grand miracle! Oh quel grand miracle! Ce sera pour moi un plus grand miracle. Jésus peut même donner de l'argent. Cet argent pourra un jour rester. Mais ce qui me marque plus dans ma vie, c'est quand je vois Jésus appeler un bandit, un homme qui était vraiment dans la boue de ce monde, et en fait un serviteur. Oh quel miracle! Oh quel grand miracle! Sera pour moi un plus grand miracle. Oh quel grand miracle! Oh quel grand miracle! Oh quel grand miracle! Ce sera pour moi un plus grand miracle. Jésus pouvait guérir le sida. Jésus pouvait guérir le cancer. Mais ce qui me marque plus dans ma vie, c'est quand je vois Jésus appeler une prostituée, une femme qui était vraiment tête en l'air, et il la maîtrise. Oh quel miracle! Quel grand miracle! Oh quel grand miracle! Oh quel grand miracle! Ce sera pour moi un plus grand miracle. Alléluia! Nzembo yo bouti kulanda le plus grand miracle parce que le loto komona ete église koti pena na apostasie munene mingi bakomi kaka ko insister yaka okozwa mbongo yaka okobikisa na nzoto mais le loso nzamba bikisio na na cancer ou bien na sida lobi ko koma soit mutu pasi soit diarrhée bon. C'est pourquoi le plus grand miracle, ngana kanisi fo ezala nanu bon moya mute bongwani. Waneza miracle ba miracle donc nganga ya ba miracle bon moya mutu e bongwani. Et puis naza ko interpeller ba salanza bana nzambe batala beaucoup plus sur leur vie. Le loyo soki oza obiksami na nzoto mais que ozangi bokonzi na lo leza mawatro. Donc vraiment ko la pesa bino senwa munene kat na loyembo o nzamba pambola bino.